les temps ont bien changé de nos jours. Depuis toujours, c'est plutôt triste de devoir faire tout cela pour que tu passes. La nuit t'es grave désespéré, envie de se tuer, à réviser jusqu'à ce que t'aies plus de la place pour que tu passes. Il te le faut après que tu sois môme, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il te faut ce putain de diplôme pour que tu passes, pour que tu passes, pour que tu passes, pour que tu passes. Prends la tête à réviser le soir, on dort même pas. Si tu veux survivre et gagner du fric pour ça, pour prendre ta place, le gouvernement a choisi ça. Faut que tu le passes, peu importe le temps que ça te prendra pour ça. Faut que tu passes. Il te le faut après que tu sois môme, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il te faut ce putain de diplôme pour que tu passes, pour que tu passes, pour que tu passes, pour que tu passes. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il te faut passer ce putain de diplôme pour que tu passes. Faut que tu le passes, faut que tu le passes pour prendre ta place.